Fleur d'aurore, de Néré Beauchemin, enregistré pour LibriVox.org. Comme au printemps de l'autre année, au mois des fleurs, après les froids, par quelques belles matinées, nous irons encore sous bois. Nous y verrons les mêmes choses, le même glorieux réveil, et les mêmes métamorphoses de tout ce qui vit au soleil. Nous y verrons les grands squelettes des arbres gris ressuscités, et les yeux clos des violettes à la lumière palpiter. Sous le clair feuillage vert tendre, les tourterelles des buissons, ce jour-là nous ferons entendre leur lente et molle chanson. Ensemble nous irons encore cueillir dans les prés au matin de ces bouquets couleur d'aurore qui fleurent la rose et le thym. Nous y boirons l'odeur subtile, les capiteux arômes blonds que dans l'air tiède et pur distillent la flore chaude des vallons. Radieux, secouant le givre et les frimas de l'an dernier, nos chers espoirs pourront revivre au bon vieux soleil printanier. En attendant que tout renaisse, que tout aime et revive un jour, laisse nos rêves, ô jeunesse, s'envoler vers tes bois d'amour. Chère idylle, tes primes vertes éclosent en toute saison. Elles narguent les froids sévères et percent la neige à foison. Éternel renouveau, tes sèves monte même au cœur refroidi, et tes capiteuses fleurs, brèves, nous grisent comme au temps jadis. Oh, oui, nous cueillerons encore, aussi frais qu'à l'autre matin, ces beaux bouquets couleur d'aurore qui fleurent la rose et le thym. Fin du poème, enregistré par Mika, cet enregistrement fait partie du domaine public.